C'est bien, c'est tranquille, posé. Il semblerait que de ces vieux temps. Le printemps. Le printemps. peu importe. Qu'il soit difficile d'exister. Va vous dire que tu existes en il semblerait malgré tout. Avec mon frère Arthur Rimbaud, avant nous, il semblerait qu'il soit très difficile d'exister par soi-même. Me, oh, me and you. Everybody needs somebody to love. Love again. Get mummy and the drones up in the skies today. You, me. Everybody needs somebody to know. Somebody to know. Somebody to know. Somebody. chaque personne. Différents instants ne sauraient. Engagé à la puissance.